De bain parce que là, voilà. Mm-hmm. Il faut que tu t'occupes mieux de Skyjo. Oh. Pas du tout, je n'accepte pas ça, mon cœur reste fermé. Parce que je m'occupe très bien de lui. Mm-hmm. Bah, il est toujours vivant donc. Bah, ouais, donc je m'occupe bien de lui. Bah voilà, elle a dit il faut que tu t'occupes mieux de Skyjo et que tu passes un petit peu plus de temps avec ta famille. Et que tu t'en C'est ce que toi. J'ai dit quoi. Oui. Sauf que Skyjo qui n'est pas du tout vrai. Skyjo m'occupe très bien de lui. Donc, juste, il fait des bêtises. Tu le crois. Bah, les deux chats font des bêtises en fait. Ah. Il y en a une qui vomit. Il y en a une qui court partout. Enfin, je... Oh les chats. Et là je retrouve une semaine qu'avec les deux. Ça va être sympathique. Et moi, je peux faire des réseaux sur Promesseur aussi. C'est quoi ? Alors, pour Alexane, la résolution qu'on va faire, ça serait d'être moins aigri le matin, on va dire. Moins aigri le matin. Et un truc pour les deux, que les parents, vu qu'ils nous écoutent, vont valider, c'est de se réveiller le matin quand on est en vacances. Parce que les vacances, c'est faire bon, visiter. Là, ils partent au ski, ils vont se réveiller à midi. Donc, courage aux parents, force à vous. Et j'espère qu'ils vont pouvoir se réveiller. C'est vrai que bon, bah les filles. Et pour Zoé, à une résolution. Je réfléchis à une résolution. Pour les filles, mais j'ai été confirmation de ma belle-mère qui dit comme quoi, oui, ils sont d'accord que ça va être galère pour se les réveiller le matin. Faut aller secouer du lit. C'est ça. Bah, même les secouer, ils veulent même pas. Ce matin, tu vois, je les revois pas. Donc, j'ai été dire bisous à Zoé et tout. Donc, ça, par contre, j'avoue que ce côté-là, aigri, c'est que pour ma soeur le matin. Parce que pour Zoé aussi, une autre soeur, ma demi-soeur, du coup, je viens lui faire un bisou. Elle me fait un câlin, gros bisous, bon de vacances. C'est mignon. Je vais voir ma sœur. Laisse-moi. enfin, deux salles, deux ambiances, quoi, finalement. Comme toi, finalement. Parce non, que alors non, ça c'est faux. Moi, je mets du temps à me réveiller. Oui, oui. Je mets du temps à me réveiller. Et alors que Kaixen est aigrie. Ah non, mais je suis désolée. Moi, là, je me souviendrai de la première fois que je suis allée chez toi. Il me dit... Non, mais me parle fort, en fait, parce que je suis aigrie le matin. J'étais fatiguée. Premier degré, je vous jure. Je me lève. Il me dit... Non, par contre, je t'explique un truc. Hein. Maintenant, faut pas me parler. Non, mais alors, pour la raison, c'était parce que la première fois que j'ai dormi chez elle, c'est qu'on devait se lever à 6h. Non, même... 6h du matin, même plus tôt, 5h je crois. 5h du matin, et j'allais passer toute la journée avec 16 filles, le seul garçon. Donc, il fallait pas me parler là pour l'instant. Non, mais ça voulait rien dire parce que ça c'était un week-end à part. Et en fait, si vous voulez, la première fois qu'il a dormi chez moi, c'était pour aller voir des filles, tout ça, machin. Bah, donc oui. Et comment ? Bah donc oui. Non, c'était un autre. Et en fait, on avait passé toute la nuit à parler, mais parler. Ah, parler. Oui. Et en fait, parce qu'on était trop stressés, en fait. Trop stressés. On devait se lever à 5h30 du matin. Et on parlait. On s'est couché à quelle heure ? À 4h. Voilà. Donc, vraiment, on était tellement stressés que, voilà, on n'arrêtait pas de parler. Et c'était la fois où même Mathis et moi on commençait à être bien bien amis, donc du coup on avait plein de trucs assez... Si vous voulez des petites histoires privées, j'ai des petites histoires sur Philippe. Non, on va éviter. Parce que moi aussi j'en ai des belles de Mathis, mais on les garde pour nous, hein. C'est du perso. À part ta maman, elle le sait, elle est au courant. Oui, maman, elle le sait. Bisous, mais tu dis rien, maman. Et du coup, voilà. Et donc, et puis la fois où il m'a dit me parle pas, en fait, c'était parce qu'on devait organiser des trucs pour la radio. On a organisé la, je crois que c'était pour le bal, enfin, je sais plus, c'était lequel. Non, c'était pas lui. C'était après celui de la galette. Si, si. Et donc, j'avais même fait un vlog où tu préparais les affiches et tout. Donc, Si. Et en fait, tu m'as vraiment dit, par contre, je t'explique, hein, tu me parles pas le matin. j'étais pas de bonne humeur ce matin. Mais sur les autres matins, je suis de meilleure humeur. Et du coup, bah, moi, j'étais là avec, je mettais de la musique, j'étais en train de chanter comme une grosse con. Et en fait, bah, du coup, et j'étais en train. Moi, et cling, cling. Non, allez, on passe à autre chose. Hein. c'est un 1. Et donc je commence à chanter comme une petite débile. Et puis en fait il me regarde super mal, mais vraiment de haut en bas, vous voyez. En fait vous voyez à 6h du matin quand vous avez quelqu'un qui met la musique. Non, à fond déjà dans il, la était 10h. Il était 10h quand on se levait tard. Bah, pour moi, ce jour-là. Matin, c'est 6h. Enfin sans nuit de sommeil c'est la même chose. Bon, on a dormi cette fois-ci. Bon en tout cas pour faire une idée de rire, on est merci du coup à mes soeurs pour ces résolutions là. Mais j'espère qu'elles vont respecter les siennes aussi. Ouais. Et j'espère que tu vas respecter les tiennes. Oh, et j'espère que je vais respecter les miennes. Mais oui, oh. Et qu'on sera meilleur en 2027. Bah, et 2016. Le permis, s'il te plaît. Moi, c'est la seule résolution que je... Et ça coupe. On vous laisse avec la prochaine musique. Ah là là, bah, du coup, oui. On continue en musique. On va passer sur une musique. Bah là, on est un peu sur du portugais. Je sais pas si c'est du portugais réellement, mais un peu sur du latino. Oui, c'est du latino. Mais là, on va passer sur de l'espagnol. Et on fera un petit débrief aussi de cette émission que j'aime beaucoup, j'en parle chaque année, mais l'Eurovision. Mmh. Là, on va parler d'une musique de l'Eurovision 2022 sur l'Espagne, qui avait gagné la deuxième place, et qui n'avait pas remporté, mais qui avait remporté le titre du meilleur show sur scène. Parce que cet artiste-là avait vraiment mis le feu sur scène. Donc je vous laisse découvrir la musique. Allez, on écoute. Pues siempre primera, nunca se cambiaré. Apenas con tu, mi pum pum y le.

confident. What's wrong with being confident? Uh-huh. What's wrong with being, yeah. What's wrong with being, yeah. What's wrong with being, yeah. Being confident? Salvador, Brasil, sensacional. Salvador. faz pegar no fogo meu coração. Quem brinca com o fogo um dia pode até se queimar, mas eu não tenho medo, é tanto desejo, é tão bom amar. Zumba, zumba, zumba, baixa em cima. Délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace glace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Le restaurant Le Tamaris, c'est le point de rencontre des délicieux plats du jour. En semaine avec trois plats au choix, viande, poisson et le poulet grillé. Le week-end, menu à la carte, plat traditionnel. Nous sommes ouverts en semaine de 10h à 15h pour le plat du jour. After work, 17h-20h, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Planchas, apéro, petishku et meriendes. Week-end, service à la carte et take-away. Avec des spécialités traditionnelles portugaises. Une fois par mois, soirée à thème avec animation musicale. Le Tamaris dispose également d'une salle de réception pour vos mariages, anniversaires ou séminaires. Appelez-nous au 02 38 53 14 73. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Restaurant Le Tamaris. Venez nombreux au restaurant Le Tamaris, 157 rue des Fossés, à Fleury-les-Aubrais. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Alors les établissements Mariano vous proposent de les préparer dès à présent. Venez retrouver tous vos produits du soleil à des prix exceptionnels. Les établissements Mariano vous offrent une remise de 5% sur l'ensemble du magasin. De plus, vous bénéficierez également d'une remise de 10% sur tout carton de marchandises achetées. Alors n'attendez plus, venez profiter de toutes vos promotions sans plus attendre aux établissements Mariano. Quando eu te vi passar, o meu corpo estremeceu. Quase que fiquei sem ar. Algo em mim aconteceu. África, calor que zomba. Como miúda fiquei. Eu já estou a ficar louca. Acho que me apaixonei. Amor de chocolate, não é? que o meu coração ia encontrar o teu. Se pra ter fé e acreditar que o meu dia ia chegar e o destino aconteceu. Eu quero bailar, quero te sentir, eu quero estar coladinho a ti. Suor e calor, charme e sedução. Teu corpo no meu, assim é demais. Na cama, no chão, remitando o pai. Eu quero Thank you. céu. Eu já não sei se és real ou ilusão, se estou são ou estou demente. Se olho para o sol, na sua luz eu vejo o teu olhar e as tuas ondas nas ondas do mar. Mesmo sem estar, estás presente. Salve elas, e então fui mais acima. Tenho um beijo. fui mais acima, dei-lhe um beijo na virilha. Mathis a crié dans, dans le micro et j'ai failli devenir sourde. Mais oui, on danse un peu, on s'amuse aussi un peu de notre côté, on vous mettait un peu en musique. Mais on revient parce qu'on a eu un appel, déjà pour une dédicace pour nous dire que merci d'être là, merci de d'être là dans chaque émission, de parler avec nous des actualités ou autres. Enfin, du coup, on a une petite dédicace qui vient nous appeler juste avant de mamie. C'est mignon, merci. Et la fille, elle finit pas à travailler. N'importe quoi, elle a pas dit ça. Hein. Non, mais tu sauras jamais si elle, c'est vrai ou pas. Non, bah, je sais que c'est faux parce que je connais ta mamie. C'est vrai. Eh oui. Mais du coup, on revient un peu pour parler et de musique aussi. Quel est votre, pour vous, là je posais pour vous, mais je posais à Philippe parce que sinon elle va bouder. quelle est pour vous votre musique pour commencer cette année 2026 qui commence dans quelques jours? Alors en fait, j'ai une musique du moment. Ça veut dire que je l'écoute matin, midi, soir, toute la journée. En fait, à chaque fois que je rentre dans ma bagnole, parce que j'aime pas du tout avoir des choses dans les oreilles, par exemple, des écouteurs. Après, quand t'es dans une voiture, tu ne mets pas d'écouteurs. Non, mais je sais, mais par exemple, si je suis en dehors de ma voiture, je n'écoute pas de musique. Ah non, ça c'est impossible. Parce que j'aime pas avoir des choses dans les oreilles. Donc, du coup, à part si je suis chez moi et que je mets la musique à fond, ou quand je vais me doucher, je mets la musique, enfin voilà. Mais il n'y aura jamais de musique dans mes oreilles, quoi. Enfin, j'aime pas du tout. Donc, du coup, la musique du moment, c'est pas une musique très. Jovial hein, pour commencer l'année, donc c'est une plus super. Musique du moment que une musique pour s'en non, une musique pour commencer l'année. Musique pour commencer l'année, ça peut être la musique du moment, du coup. Non, parce qu'elle est un peu, elle est pas très joviale, mais par contre, je peux dire ma musique du moment. Allez-y, madame, c'est Alter Ego de je sais plus le nom du chanteur parce que c'est un nom composé. Si vous voulez, pour la petite histoire, je l'ai découvert grâce à la Star Academy. Et donc, ils ont chanté, Philippe pleure devant la Star Academy. Alors non. Philippe râle après la Star Academy toutes les semaines parce que ses éliminés qui partent ne veut pas qu'elle part. Bah oui, mes préférés, je veux pas qu'ils partent. Et ils sont tous éliminés. Donc si vous avez des préférés, voilà. Ne choisissez pas les choix de Philippe parce qu'ils partent forcément après. Ils sont tous partis là. Mes préférés, c'était Jeanne et... Et Léo. Oui. Après, c'était pas vraiment mon préféré, Louis. C'est aussi juste que j'étais attachée à. Bon, après, j'ai beaucoup aimé sa dernière performance avant qu'il s'en aille. Aux deux, en fait, ils ont bien performé quand ils partaient. Mais oui, vraiment, Léo, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que vraiment, c'était la première fois que je me suis dit, mais waouh. Voilà. Mais en vrai, il chante vraiment très bien. Et même Jeanne, moi, j'adore sa voix. Donc, je me suis pas dit qu'elle partirait aussi tôt. Mais bon, c'est pas très grave. Et donc. Pour conclure, la musique Alter Ego de Jean-Louis Aubert, en fait, c'est la musique que eux deux ont chantée quand ils ont fait leur duo et qu'ils étaient mentionnés ou à deux doigts d'être éliminés, en gros. Et en fait, j'ai trouvé leur musique super belle. Et quand j'ai écouté la musique de Jean-Louis, là, et franchement, elle était super belle aussi, même si j'ai un petit coup de cœur pour Jeanne et Léo. Et en fait, ça me fait penser à plein de choses. J'aime trop cette musique. Elle m'appartient bien. Donc voilà, j'aime bien. Et moi, de mon côté, une musique que je dirais pour commencer l'année, je sais pas. oui, c'est un peu compliqué comme ça. Mais au pire, ta musique du moment que t'écoutes tout le temps en ce moment, c'est laquelle? J'en écoute trop. Ah oui, c'est vrai que Mathis, il écoute plein de musique en même temps. J'en écoute un peu beaucoup. Je dirais... C'est celle que j'ai likée il y a pas longtemps, du coup. Et c'est une musique que je sais pas si c'est portugais ou pas, mais c'est Ninguém Pode Saber d'une chanteuse. Oui, c'est portugais, ça. De Country Beat et de Ana Castela. Ana Castela, vous la connaissez normalement, c'est un nom assez connu. Mm-hmm. Elle a fait des musiques que vous connaissez tout le monde. Mais du coup, ils ont fait un duo et enfin, j'aime bien leur musique. C'est un peu cowboy et un peu DJ, on va dire. Enfin, c'est un mélange des deux. D'accord. Enfin, ça me représente. Mais elle a une voix incroyable, la chanteuse. Enfin, ok. Et si on écoutait nos deux musiques? On prépare et on écoute nos deux musiques pourquoi du pas. Moment. Enfin, pourquoi du moment. Pas je vais voir si on peut préparer ces deux musiques. D'accord. Et allez-y, je t'écoute, madame Philippa Coelho da Souza. Non, c'est De Souza. De Souza. Il fait vraiment la faute de tous les Français qui m'énervent. C'est pas Coelho da Souza, c'est Coelho De Souza. De voilà. Souza. Les noms portugais, ils ont souvent le 2, mais c'est pas des, c'est de. Coelho da Souza. C'est pas des Souza. C'était quoi le titre de ta musique déjà? Alter Ego. Et pardon, j'étais. Et du coup, nous, en vrai, avec Mathis, quand on rentre dans notre voiture, on a trois musiques phares. On est obligé vraiment de les mettre à chaque fois. Et donc, du coup, y en a une où on peut pas citer le nom parce que c'est une musique qui n'est pas agréée. Voilà, qui n'est pas agréée et tout ça. Donc voilà, on peut pas le dire. Après, il y a une musique, je sais plus comment elle s'appelle, Mathis. Le latino. C'est la molle, la fuego de la mort. Ah oui, fuego de la mort. Et celle-ci, c'est un peu la mettre. On l'adore, hein, vraiment. En fait, on a celle-là, le fuego de la mort. Et en plus, en ce moment, on a la Zootopie. Voilà, on a la musique des Zootopies. Donc en fait, on a trois tops de chansons qu'on est obligé de mettre dans ma voiture. On en fait écouter une. Là, on va partir pour les manger. On va forcément écouter les trois musiques d'un coup. Nos musiques et nous, on les écoute pas vraiment. Mais on les écoute. On écoute plutôt les trois musiques qu'on écoute régulièrement. Mais on écoute aussi une musique espagnole. Comment elle s'appelle ? Celle de. Comment ça s'appelle ? De Ricky Martin. C'est pas celle où on boulerie, un truc comme ça, non ? Ah, si, aussi. C'est boulerie, si, boulerie. On écoute beaucoup. C'est vrai qu'on écoute. Boulerie. ça va pour une fois. Non, mais je chante bien. Tu sais, pour la petite anecdote de ce week-end, j'étais avec. En fait, si tu veux, il y avait ma famille et mes cousins ont eu un petit bébé il n'y a pas si longtemps, qui a 2 mois. Et du coup, je m'amusais en fait. En fait, elle avait un espèce de petit soleil sur son petit, sur sa petite poussette. Et du coup, elle n'arrêtait pas de le regarder. Et du coup, j'ai inventé une musique en regardant le soleil qu'elle touchait. Et du coup, en fait, je chantais tout le temps cette chanson que je venais d'inventer sur le coup. Et en fait, elle était là, souriait. C'était trop mignon. On écoute notre musique ? Oui. Soy el charo dancing in the dark, like a whisper burning through my heart. Every step you take, I lose control. You are the rhythm, I am the soul. Miro tus ojos, siento el temblor. Cada palabra me roba el calor. No puedo huir, no quiero escapar. Este destino nos va. Wild like summer rain. Your voice, a song I can't contain. Y la pasión me vuelve. Voix de Philippa. Oh non, mais voilà, voilà ce que ça donne quand Philippa chante. Et encore, je ne sais pas tout vous montrer parce que. Et encore, on ne vous a pas montré la voix de Mathis, hein, parce que c'est une c'était catastrophe. C'était quelque chose de très beau, très oula, magnifique. Non, pas magnifique si. Du tout. On continue avec ma musique et après avec la tienne. Oui, c'est parti. Oh, c'est si à vous, Eu te busco às sete. Cê via de chapéu e vestido colado. Aí cê esquece. Com o farol apagado, o som no volume baixo. Tira do bolso de chiclete. E o que acontece? E seu pai soubesse o que a gente faz. E sua mãe soubesse onde a gente tá. Já tinha até viatura vindo te procurar. Sabe o que a gente é? A gente é sem vergonha, bebê. Deixa só entre eu e você. Cê pega. Bebê, deixa só entre eu e você. Cê pega o country, beija o country, só quando ninguém vê. A gente é sem vergonha, bebê. Deixa só entre eu e você. Cê pega as country, beija as country, só quando ninguém vê. Ninguém pode saber. Cê pega as country, beija as country, só quando ninguém vê. Ninguém pode saber. Cê pega o country, beija o country, só quando ninguém vê. Se o que a gente faz, e sua mãe soubesse onde a gente tá. Já tinha até viatura vindo te procurar. Sabe o que a gente é? A gente é sem vergonha, bebê. Deixa só entre eu e você. Cê pega as country, beija as country, só quando ninguém vê. A gente é sem vergonha, bebê. Deixa só entre eu e você. Cê pega o country, beija o country, só quando ninguém vê. A gente é sem vergonha, bebê. Et on continue avec ces défis. Avec hein, ma musique, ma on musique change d'ambiance. La musique était mieux. Thank you. c'est en 3D. Miami me lo confirmó. Gente de Sonora. Puerto Rico me lo regaló. Et oui. Alors nous, quand on a cette musique, on est content, mais on n'est pas trop content. Oui, pas trop content. On n'est pas content parce que c'est la fin. On est content parce qu'elle est tellement à bouge. Mais oui, on est là en train de danser dessus, mais bon, ça désigne quand même la fin, comme la chaque fin. Émission. C'est ça. Ça, c'est notre petit rituel de chaque émission. Oui. Donc on est. Peut-être content. On changera un jour ou l'autre, mais non, pour l'instant, ça va être 3 ans. Alors. On est bon, en tout cas, on est content d'avoir passé cette matinée avec vous. On a bien chanté, on a bien rigolé et on a parlé et on a parlé de Noël, des résolutions à tenir. Donc je crois qu'on ne se voit pas avant le nouvel an, la nouvelle année. On se verra en 2026. Et oui. Donc pour ça, on vous dit à 2026 et surtout, faites bien la fête. Mais pas trop non plus. Oui. Profitez bien. Alcool dansez, modéré. Dansez, mangez, profitez avec vos amis, avec votre famille, avec vos entourages. Concluez cette belle année. Et mangez les 12 raisins sur la table, ça porte bonheur. Ça porte bonheur. Bah, du coup, lui, oui, ça lui a porté bonheur. Il a mangé les 12 raisins, il a trouvé une copine. Mais c'est vraiment pour ça. Mais les 12 raisins. Bah oui. Ah, mais moi, je pensais que c'était juste pour porter bonheur. Non, ça, en fait, les 12 raisins, c'est pour trouver année, un copain. Dire. Ah bah. Après, ça peut être pour le bonheur, hein, mais souvent, et c'est toi, pour tu le manger. Non. J'ai pas envie. Bon. Bon, après, j'ai trouvé une folle qui s'appelle Philippa, mais. Bon, non, il a trouvé une copine qui s'appelle Millie, mais. Mais il m'a aussi trouvé, hein. Malheureusement. La bête. Mais on en parlera dans notre prochaine émission, les traditions du nouvel an. Alors, on a fait un petit débrief de résolution qui arrive et aussi de Noël. La prochaine émission. Bon, on va peut-être l'appeler Nouvel An, l'after Nouvel An. Oui, parce qu'on sera déjà la nouvelle année. Mais en tout cas. On se dit à très bientôt et ciao ciao. Uma renda de 1.000 euros, por exemplo, vai ter um aumento a rondar os 22 euros mensais. Já